Pas de tournoi à débriefer aujourd'hui, mais beaucoup d'actu, des changements de paire dans tous les sens, le tirage des championnats d'Europe qui vont se jouer cette semaine, ou notre sélection pour la Sudirman Cup dans quelques semaines. On a beaucoup de choses à vous dire dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that! Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Ewan, bonjour à tous. Écoute, plutôt en forme et toi? Ouais, pareil, content de te retrouver pour faire cet épisode. J'aime toujours bien ces épisodes où on a un peu plus le temps, même si j'aime bien débriefer des tournois, mais là on a un peu plus le temps de se poser pour faire le tour de l'actu. Et Benoît, en introduction, on peut se dire que toi et moi, on n'a pas jamais à se fouler beaucoup pour trouver des idées de sujets, parce que même quand il n'y a pas de tournoi, les différentes fédérations, notamment avec les changements de paires, surtout en ce moment, nous gardent occupés. Hein. Toutes les semaines, il y a un nouveau truc. Ouais, ils savent qu'on doit tourner des épisodes, même en période sans tournoi, et du coup, ils nous inondent de sujets. On va commencer par le tirage des championnats d'Europe. On va vous donner un peu notre avis sur les tableaux, assez rapidement, puisque c'est l'actu chaude. Puisque quand vous écoutez cet épisode, ça commence dans un... Si vous l'écoutez à la sortie, c'est demain. Et ensuite, on ira vers les nombreux changements de paires en Asie. Et on finira avec notre avis sur la sélection française pour la Sudirman Cup. Pour les championnats d'Europe, en simple homme, pas de Victor Axelsen, c'est ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, je ne sais plus si on en a parlé dans ce podcast, je crois qu'on l'a mentionné, mais il s'est fait opérer du dos et donc va être absent pour un nombre de semaines encore indéterminé. Donc on ne va pas le revoir tout de suite, le double champion olympique. Ce qui fait que dans les 4 plus grosses têtes de série, eh ben, il y a 3 Français. Allez, si on va dans les 5 premiers, il y a 2 Danois et 3 Français, puisque Anders Antonsen est tête de série 1, pas de tête de série 2, donc le troisième c'est Alex Lanier, le quatrième c'est Thomas Junior Popov et le cinquième c'est Christo Popov. Benoît, c'est a priori vu le tirage, si jamais les têtes de série vont au bout de leur tableau, a priori ce serait Thomas Junior Popov qui serait en haut avec dans le tableau avec Anders Antonsen. En bas on a Lanier qui a un chemin plutôt dégagé. Il faudra évidemment faire gaffe à Gamke qui est dans la partie de tableau d'Axelsen ou notamment d'un Julien Karagi ou d'un Nathan Guyenne. Mais Benoît, on a quand même, on va pas s'emballer, mais on a quand même de grandes chances de voir un simple homme français médaillé sur cette édition, comme l'avait fait Tommy l'année dernière. On a de grandes chances d'avoir au moins un Français médaillé. À l'heure où on tourne, je crois avoir déjà posté mes pronos pour les Europes. Et moi, j'en ai annoncé 2. Donc, j'espère que... Je sais pas si ça peut être potentiellement 3, en fait. Oui. Moi, j'en ai annoncé 2 en finale. Donc, il y en aura au moins 2. Il pourrait y en avoir 3, honnêtement. On va pas se mentir, l'absence d'Axelsen en bas ouvre le tableau, mais aujourd'hui, j'arrive même pas à me dire que les Français sont épargnés. C'est juste que, bah, aujourd'hui, quand tu les regardes en Europe, ils sont au-dessus de 95% des joueurs, à part Axelsen et Antonsen peut-être. Ouais, non, c'est clair. Franchement, quand tu vois le tableau, il fait... Enfin, j'ai du mal à avoir peur pour les Français, tu vois. Genre, OK, Tommy Popov va devoir peut-être faire gaffe à Dwi Kayo, notamment. Mais, enfin, c'est des mecs, Tommy Popov. Game 2, quoi. Allez, peut-être que quand vous allez écouter cet épisode, ça sera très mal vieilli, mais jamais de la vie, Tommy Popov perd contre des mecs comme ça. En plus, ils ont la réussite du fait que ce soit Antonsen qui va se taper Game 2, en quart, a priori. Donc, oui, c'est clair. Donc vraiment, tout bénef. Donc voilà, pour les premiers tours des Français, Tommy Popov va jouer Kilk, l'Estonien. Alex Lanier va jouer le Suisse Tobias Kuenzi. Et Christo Popov va jouer le Bulgare Yanakiev. Voilà, on verra après ce que ça donne. Benoît, petite dernière question sur le simple homme. Est-ce que, ouais, du coup, si tu vois 2 Français en finale, est-ce que tu penses que Tommy a les armes pour battre Antonsen? Je pense que oui, mais je pense qu'Antonsen va tomber avant. Contre Rasmus Gamke. Ah, oh là là, les deux potes d'enfance, Gamke, il nous rendrait bien service s'il battait Antonsen. Et vu la forme récente d'Antonsen, ouais. C'est pas, voilà. Benoît, moi je fais pas de pronos, mais attention, Gamke, j'espère qu'il va nous faire mentir. Il devrait peut-être jouer Pablo Abian avant. Attention au vieux briscard ouais. espagnol. Hein. Attention à Antonsen, parce que tout autre chose qu'une médaille d'or, je peux vous dire qu'il aura droit à une tirade la semaine prochaine. Oh, c'est clair. Mais en plus, quand tu vois que dans la même partie d'Antonsen, il y a Abian ou notamment Holdorf, qui sont des mecs un peu des poils à gratter, quoi. Les Français, pour ce simple homme, s'en tirent pas trop mal. Simple dame... Alors, les Danoises trustent les premières places des têtes de série. 4 sur les 5 premières. Kerfeldt, Blichfeldt, Dawal Jacobsen et Christoffersen. Il n'y a que l'Écossaise Kirsty Gilmour qui arrive à se mettre là-dedans. Pour ce qui est des Françaises, on a, alors, malheureusement quand même, hein, Anna Tatranova et Chichoufei qui s'affrontent dès le deuxième tour, mais elles ne jouent pas de premier tour. Donc, en gros, leur premier match, elles vont s'affronter. Tandis que la troisième Française du tableau, Léonie Sué affrontera la Hollandaise Schmidt, et si elle passe deux tours, elle pourrait avoir à affronter Mia Blichfeldt. Benoît, d'abord, vite fait sur les Françaises, j'ai envie de dire, on avait eu ce match Tatranova-Chichoufei en demi-finale des France, me semble-t-il, c'était un match assez serré. Là, avec la revanche, même si Chichoufei, je pense, part légèrement favorite, elle doit pas être si sereine, je pense. Et je l'ai pas précisé, mais la vainqueur devrait jouer Lynn Kerfeldt. Ouais, pas si sereine. On a eu un débat assez intéressant sur le Discord là-dessus. Moi, je disais que j'y croyais fort. Je pensais qu'Anna Tatranova était capable de le faire. Et en plus de ça, Léonie Sué défend pas mal de points sur ses Europes. À voir jusqu'où ça va, mais on se disait, et je crois que c'est Hebdos qui le disait justement et qui faisait les calculs, que c'était pas impossible qu'Anna Tatranova passe numéro 1 française ou en tout cas s'en rapproche très très fort à l'issue des Europes. Évidemment, à certaines conditions, mais je pense que l'intérêt de ces Europes, il réside plutôt là pour les Françaises. Je vais pas mentir, mais je pense pas qu'on puisse espérer une médaille. Et pour ce qui est des médaillés, justement, Benoît, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le simple dame, on est... Surtout qu'en plus, bon, quand tu vois que Léonie Sué potentiellement jouera Blichfeldt et que Tatranova ou Chichoufei devraient jouer Lynn Kerfeldt, ça rend les choses compliquées. Pour ce qui est des médaillés, justement, Benoît, est-ce que le Danemark peut faire 3 sur 3 ? Mais le timing est plutôt bon pour Kirsty Gilmour, qui s'est remis à gagner des matchs assez récemment. Et on sait que les championnats d'Europe, c'est très intéressant pour elle. Il ne faudra pas négliger Polina Burova, qui monte pas mal en ce moment, la joueuse ukrainienne. Il y a Stéphanie Stoeva aussi qui joue un simple dans ce tableau, et je pense qu'elle est meilleure que pas mal de joueuses en Europe. Qu'est-ce que tu vois comme podium, Benoît, ou encore comme surprise ou vainqueur potentiel? Honnêtement, c'est pas le tableau où moi je vois des surprises. Je vois bien Kerfeldt et Blichfeldt aller au bout. Voilà, je vois les trois que tu as cités en fait être médaillés perso. Pour moi, il y aura quatre médaillés parce que il y en a quatre par tableau, mais la quatrième, ça, pour moi, ça peut être Nesli Anarin, tu vois. Mais je vois vraiment aucune surprise. Elle est pas tête de série, mais oui, c'est vrai que j'ai pas cité Nesli Anarin, qui a déjà de mémoire été médaillée sur ce tableau. Même si je la vois pas dans le... elle est là dans le tableau. Joule Nalbantova, elle est en bas, tour. Ouais. Et potentiellement, elle devra jouer Blichfeldt dès les quarts. Donc, il faudra qu'elle fasse un exploit. Et voilà. Sinon, après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a peu de surprises potentielles dans ce simple dame. En double homme, dans les 8 têtes de série, il y a deux paires françaises, les frères Popov qui sont têtes de série 4 et Eloi Adam et Léo Rossi qui sont têtes de série 8. Sinon, dans l'ordre, on a donc Astrup Rasmussen, Lane Vendy, Kjærsgaard, Popov, Søndergaard Toft, Lundgaard Vestergaard, Grimley et donc Léo Rossi, donc 4 paires danoises. Benoît, d'abord sur les Français, les frères Popov donc pourraient jouer... A priori, pourrait jouer Astrup Rasmussen en demi, mais il faudra battre d'abord un premier tour, et ensuite, potentiellement, si ça passe, ce qui devrait passer, les frères Grimley ou Emmick Van Leeuwen, je pense que ça se vaut. Les Français Katoen Renoir, les jeunes Français vont jouer Søndergaard Toft et de série 5 au premier tour, donc ça, c'est dur. Et Adam Rossi vont jouer Maggie Reynolds, les Irlandais, et potentiellement, s'ils vont jusqu'en quart, un match contre Lane Vendy. Qu'est-ce que tu penses des chances de nos trois paires françaises? Que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt Eloi Adam et Léo Rossi. Parce que j'y crois. J'ai vu le tirage et je me suis dit, franchement, il n'y aura pas de match très facile parce qu'ils n'ont pas une marge folle. Mais je pense qu'ils sont meilleurs que la paire contre qui vont jouer au premier tour, meilleurs que la paire contre qui devrait jouer au deuxième tour. J'ai bien envie de les voir jouer contre l'Invendi, que moi perso, je vois être champion d'Europe. Mais je suis quand même très curieux de voir Adam Rossi. Et pour moi, c'est. Ouais, c'est. Bon, évidemment, c'est un nœud que j'ai le, peut-être le plus espoir qu'Ato et Renoir qui prennent, à mon avis, la deuxième ou troisième paire actuelle en Europe. C'est quand même pas cadeau. Et les Popov. Bah, peut-être que ça va faire médaille, oui, mais pour moi, il n'y a aucun monde où ils vont taper Astrup Rasmussen en demi, aucun. Après, Benoît, les Popov, s'ils vont en demi, pour moi, c'est s'ils battent les Grimley ou Emil Van Luen, c'est... Oui, c'est ça, c'est des Europes réussies. Ouais, hein. Ouais. Benoît, Astrup Rasmussen, si je ne me trompe pas, qui n'ont pas encore gagné de match cette année quand même. Hein. Bah, tiens, ça va être ma question. Bah, tu as déjà un peu répondu parce que tu as dit que tu voyais l'Invendi champion d'Europe. Et pour moi, l'Invendi, c'est la meilleure paire d'Europe actuellement. Oui. Mais on l'avait déjà dit dans un épisode, Astrup Rasmussen, c'est ils vont devoir se reprendre Fissa. Est-ce que tu les vois du coup, tu les vois pas perdre contre les Popov? Est-ce que tu les vois perdre avant peut-être contre Lungard, Vestergaard? Est-ce que c'est quand même un peu le tournoi de tous les dangers? Ils sont numéro un mondiaux, les mecs, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils nous le prouvent. Non, je les vois quand même aller en finale. Attention à Lungard, Vestergaard. C'est là que je me méfierais un peu. Maintenant, ils sont tenants du titre. Moi, même une finale, je te cache pas que dans le débrief, j'aurais du mal à m'en contenter la semaine prochaine. Mais bah, je sais pas, aussi. La forme actuelle fait que. Et leur mental, j'ai l'impression qu'on est un peu retombé dans un down. Ouais, mais là, ils vont être revanchards, je pense. Ouais. Et je pense que c'est la meilleure position pour eux. Mentalement, je pense que c'est la meilleure chose pour eux d'arriver dans cet état d'esprit-là, je pense. Mais sinon, ouais, malgré ça, j'ai peu de chances de peu de ouais, je vois peu la possibilité que les Popov les battent parce que c'est des paires qui sont jouées un milliard de fois et les matchs tournent toujours un peu de la même manière. Donc c'est dur au bout d'un moment d'y croire. S'ils battent les Grimley, par exemple, ce sera déjà pas mal. En double dame, les têtes de série Stoeva, Burova, Kantemir, les Ukrainiennes, les Turcs, Ersetin Insi, les Danoises, Fregard, Antonissen, les Écossaises, McPherson, Torrens, et après deux paires danoises, Finne Hübsen, Suro et Kuske, Schultz, et les sœurs Sau, les Suédoises, ferment la marche. Côté française, on aura Théa Marguerite et Flavie Vallée qui vont jouer les Espagnols Carulla Jiménez au premier tour et qui, en cas de victoire, joueraient les sœurs Stoeva, donc les têtes de série 1. On a Margot Lambert et Camille Poignante qui vont jouer les Allemandes Hübsch Lehmann et potentiellement les Turcs Ersetin Insi au tour d'après. Ce sont nos deux seules paires. Qu'est-ce que tu penses des chances de ces deux paires, Benoît? Bon, pour Marguerite Vallée, a priori, elle devrait passer le premier tour, mais derrière, personnellement, j'ai du mal à les voir battre les Stoeva, même si les sœurs bulgares sont plus à leur meilleur niveau. Margot Lambert et Camille Poignante, si jamais elles doivent jouer Ersetin Insi, ce qui a priori devrait être le cas, ça peut être un beau match. Ça peut être un beau match. C'est intéressant comme tableau parce que Marguerite Vallée, je pense qu'elles vont passer un tour. Ça va être dur contre les Stoeva. Mais moi, honnêtement, dans ce tableau, je pense qu'il y a une joueuse qui peut garder son titre de championne d'Europe. Je crois un peu à la surprise générale. Elles sont pas vraiment attendues. Ouais, les débuts n'ont pas été fous, mais il y a quand même un tableau dégagé. Enfin, désolé, je veux faire offense à personne, mais quand les têtes de série dans ta partie de tableau, c'est Ersetin Insi, qui sont quand même pas non plus impériales, et Burova Kantemir, qui sont des bonnes joueuses, mais on n'est quand même pas au top niveau de ce qu'on a connu en Europe, il y a quand même beaucoup de place. Et moi, je pense que Margot Lambert et Camille Poignante, elles ont vraiment une carte à jouer avec une joueuse qui sait gagner. Moi, j'y crois beaucoup. Ok, c'est intéressant. Pour la partie tableau, je pense que ça va être compliqué. Elles évitent. Ouais, ça va être très compliqué, moi, je pense. Ok, ok. Après, en vrai, elles jouent des paires assez jeunes, en fait, qui ont moins de. Qui sont sur le circuit depuis un moment, mais c'est qui manque un peu d'expérience. Donc, en vrai, il leur faudra ce petit plus que peut incarner Margot Lambert. Là où j'ai du mal, c'est qu'elles vont jouer deux gros matchs, pas forcément au premier tour, que j'espère elles passeront facilement, mais après, est-ce que je les vois enchaîner un gros match contre Hercetinici, remettre ça contre Bourova Kantemir, derrière, si elles passent les têtes de série 2, derrière, elles prennent soit McPherson Torrens, soit Antonissen Fregard, ou soit ouais, une de ces deux paires-là, je pense. Et derrière, il va falloir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que vois pouvoir enchaîner 4 matchs, 4 gros matchs d'affilée. C'est ça qui me fait un peu peur, tu vois. Je sais pas dire. Là, elles vont perdre contre cette paire-là, tu vois. Mais j'ai du mal à les voir passer 4 gros obstacles d'un coup. Je comprends. De toute façon, pour être championne d'Europe, il y aura forcément des gros matchs, mais je vois pas de gros écarts comme il y a pu avoir. Avec les Stoeva il y a encore 3-4 ans ou même avec des paires danoises, donc j'y crois. Mais c'est vrai que quand elle jouait avec Anne Tran par exemple, ou quand même Anne Tran jouait avec Emily Lefel, t'as un statut de tête de série qui te permet d'avoir un, deux, trois tours tranquilles. Là pour le coup, Lambert Pognante, elles vont peut-être avoir un tour un peu plus tranquille, mais derrière il va falloir sortir le bleu de chauffe très sérieusement. C'est clair. Et voilà. Et sinon, en haut du tableau, il y a des paires pas mal quand même, parce que même dans les non-têtes de série, tête de série 6, Antonissen Frugard, ou une paire qui est même pas tête de série, Deborah Hille, Sarah Tigessen, c'est pas mal. Ça peut faire des surprises là aussi. Ça peut être un tableau avec beaucoup de surprises. Moi, je vois pas les Stoeva honnêtement aller au bout, mais j'ai vu que certains dans les pronos avaient annoncé du Antonissen Frugard. Je serais pas étonné du Tigessen Hille non plus. C'est des paires qui vont être vraiment chiantes à jouer. Et je pense que c'est le tableau qui limite avec le simplon peut être le plus intéressant et le plus indécis. Ouais, c'est clair. Et on finit avec le mix. Cocorico, Tom Jiquel et Delphine Delru sont tenants du titre et tête de série 1. Ils pourraient retrouver dès les quarts. Il pourrait retrouver Robin Tabeling, Alexandra Boyeux. Ouais, là, on verra si on fait Cocorico ou pas. Les autres têtes de série, je vais vous les dire dans l'ordre. Donc, Jiquel Delru, Toft Magelun, Vestegaard Busch, Tabeling Boyeux, Dunn McPherson, Emming Van Leeuwen, Janssen Nguyen, les Allemands, et Julien Maillot et Léa Palermo, les Français. Donc, Tom Jiquel et Delphine Delru sont tout en haut du tableau. Julien Maillot et Léa Palermo vont d'abord jouer la paire norvégienne Abdusdal. Et la première paire tête de série qu'ils pourraient rencontrer, ce serait les Écossais Dunn McPherson en quart. Donc Toft Magelun sont tout en bas. Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Pas un cadeau, enfin, de toute façon, il y a peu de cadeaux dans ce tableau de mix, mais déjà, Tom Jiquel, Delphine Delru, je pense qu'ils vont passer le premier tour. Enfin, ils n'ont pas de premier tour à jouer. Après, le deuxième, je pense qu'ils vont le passer assez facilement. Potentiellement, Tabeling Boyeux, c'est pas un cadeau de les prendre en quart. C'est pas un cadeau de les prendre en quart. Maintenant, je suis pas ouvert à la discussion de savoir quand est-ce qu'ils ont réussi leur tournoi. Ce sera quand ils seront en finale. Donc, voilà. Après, moi, j'annonce deux médailles dans ce tableau et j'y crois. Donc voilà, Tom et Delphine, ils sont champions d'Europe en titre. Franchement, s'ils sont sortis avant la finale, pour moi, ce sera un échec. Moi aussi. Mais Benoît, je sais pas ce que tu as mis dans tes pronos, mais Toft Magelun paraît 5 rangs au-dessus en ce moment quand même. De Tom et Delphine? Oui, et de tout le monde en Europe en fait. Ouais, mais sur un championnat, Toft Magelun, la paire, elle a à peine plus d'un an. J'attends de Tom et Delphine que même avec un niveau inférieur, ils soient capables de les battre. Ok, j'avoue que moi j'ai du mal à y croire. Hein. Je pense que. Moi aussi. J'ai du mal. Moi, mais pour moi, ils peuvent. Franchement, c'est la paire tête de série qui peut être un énorme flop sur ces championnats d'Europe et se faire sortir par Tabeling Boyeux. Même si Tabeling Boyeux, tu l'as dit, ce sera pas honteux, mais juste se faire sortir en quart des championnats d'Europe où t'es tenant du titre, où t'es paire numéro 1 au ranking mondial, pour moi, ce sera pas ok. Par contre, Maillot Palermo, le tirage, ils ont dû être assez refus en voyant ça, parce que Benoît, c'est pas faux se méfier d'un peu tout le monde, on connaît la rengaine et tout, mais franchement, deux premiers tours largement à leur portée, derrière, la tête de série que tu prends, c'est les Écossais Dunn McPherson qui sont bons, mais qui sont pas monstrueux, en sachant que... C'est le macar le plus facile. Ouais, voilà, franchement, c'est vrai que quand tu m'as dit « Oh, je vois deux paires médaillées », j'ai bugué, et après j'ai vu le tirage de Maillot Palermo, et en fait, ouais, j'y crois carrément. Limite, dans ma tête, il y a plus de chances qu'ils soient médaillés que Jiquel Delru, qui devront pas trembler face à Tabeling Boyeux, tu vois. Et ben franchement, pas loin, parce que Julien Maillot et Léa Palermo, ils ont pas grand-chose à perdre. Je suis d'accord, j'ai presque plus de certitudes avec eux. En fait, j'ai des certitudes plus sur une médaille. Par contre, si Jikel Delru passe Tabling Boyeux, effectivement, pour le titre, tu vois, j'y croirais plus. Mais oui, je suis d'accord. Tu peux avoir deux paires médaillées sans que ce soit vraiment une énorme surprise, je trouve, dans ce tableau. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les championnats d'Europe? Moi, j'ai rien à dire à part que j'ai hâte de voir ça. Que avant, on se demandait toujours quand allait venir notre première médaille d'or. On en a eu deux l'année dernière, donc ça nous a ouvert l'appétit, Benoît. Maintenant, on en veut plus. On s'est habitué. On s'est habitué. Écoute, si cette année on en a deux, on sera déjà content, et 3, oui. Écoute, why not? C'est clair. Ce sera donc du 8 au 13 avril à Horsens au Danemark, et c'est évidemment le sujet de notre épisode de la semaine prochaine. Aimez-vous le badminton? Oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. En attendant, on va se diriger vers l'Asie, puisque pendant les championnats d'Europe, il y a aussi les championnats d'Asie. Pareil, du 8 au 13 avril, cette fois, c'est en Chine. Et Benoît, quelques enseignements en regardant les tableaux. On en parlera évidemment aussi dans le podcast. Premier enseignement déjà, pas de Han Se-young. Benoît, je ne sais pas si tu veux en dire un mot pour vous donner une info. Au niveau des points, les championnats d'Asie sont cotés comme un super 1000. Donc, c'est vraiment un des rendez-vous de la saison pour tous les joueurs asiatiques. C'est pas anodin de voir Han Se-young passer son tour pour ce tournoi, je trouve, Benoît. C'est que physiquement, elle a besoin de récupérer. Ouais, elle doit avoir besoin de récupérer, surtout quand on l'a vu quand même aller se donner fort sur des tournois plus mineurs. Mmh. Ouais, c'est aussi le signe que là, il y a pas besoin d'aller prendre des points ni de l'argent. Aujourd'hui, elle est tellement au-dessus de tout le monde. Je crois qu'elle a 10 000 points d'avance au ranking. Il n'y a pas de sujet. Si elle n'est pas là, c'est vraiment qu'elle ne peut pas être là. Voilà, pas grand-chose à dire sur le simple homme, à part qu'on devrait y voir le retour de Ngut Se-young, qui n'a pas joué depuis très longtemps et qu'on a hâte de revoir sur le circuit. Alors, il prend Vititsarn dès le premier tour, donc ça ne va pas être un tirage facile, mais c'est cool de le revoir dans un tableau déjà. Pas grand-chose à dire, donc on a parlé du simple dame sur le double homme, pas grand-chose à dire non plus, à part que Liang Wang rejoue ensemble. Benoît, on s'en doutait un peu que ce n'était pas une séparation définitive, donc là, ils vont quand même être attendus au tournant, les Chinois. Oui, nous les premiers. Je suis curieux, mais c'est vraiment, je pense, un double tranchant. Autant ça peut se faire sortir parce que je crois qu'ils sont dans le quart de Kim Seo. Ouais. Autant ça peut aller au bout. Donc. C'est vrai. Après, pour moi, il y aura pas scandale s'ils se font sortir par Kim Seo. Évidemment, il faudra regarder le match, mais ils prendraient potentiellement la meilleure paire du moment en quart. Oui, oui, c'est sûr. Déjà, il va falloir passer les frères Lee, peut-être Arif Yap au tour d'après, et après on verra pour Liang et Wang qui ont beaucoup à prouver. Et Benoît, là on va au double dame, et le double dame, rien d'inhabituel sur les quatre premières têtes de série, Liu Tan, Baek Lee, Matsuyama Shida, Iwanaga Nakanishi, mais ce qui nous intéresse, c'est bien les têtes de série 5, les championnes olympiques Chen Jia, qu'on n'avait pas vu jouer ensemble depuis les finals. C'était déjà exceptionnel, puisqu'en gros on les a vu jouer juste aux finals depuis les JO, donc une fois en 9 mois, on va dire à peu près, qui étaient bien rentrés, enfin, pas au niveau du temps passé sur le terrain avec leur nouvelle partenaire, notamment pour Jia, ça commençait à tourner avec Zhang Shuxian. Et Benoît, petite surprise, alors on va pas pouvoir en parler longtemps, on se le disait juste avant, parce qu'on ne sait pas pourquoi elles rejouent ensemble, on ne sait pas si c'est pour capitaliser sur des points qu'elles avaient déjà, ou alors si elles vont rejouer ensemble plus souvent, ou alors est-ce qu'on est mécontent du côté de la CBA des nouvelles paires. Mais il faut le noter parce que c'est surprenant de les voir rejouer ensemble sur ces championnats d'Asie. Très surprenant, et je pense qu'on va scruter ça très attentivement aussi, parce que je suis curieux de savoir ce que t'en penses, mais on avait dit Liu Tan, les championnats d'Asie, ça peut être le tournoi de tous les dangers. Si tu te fais battre par Chen Jia ou que Chen Jia vont au bout et pas toi, attention. Mmh. Ouais, c'est clair. Championnat d'Asie, je regardais parce que je me disais peut-être c'est le trophée qu'elles ont jamais remporté, mais si elles l'ont déjà gagné deux fois, 2019-2022, ouais. Donc elles étaient demi-finalistes de la dernière édition. Donc c'est pas pour se faire kiffer, je pense qu'elles y vont pour aller chercher un titre. Et potentiellement, Benoît, c'est pas une bonne nouvelle pour toutes les autres, parce que Chen Jia, même si elles n'ont pas joué ensemble ces derniers temps, je pense que ça reste très très sérieux. Et elles pourraient jouer Matsuyama Shida en quart. Et Benoît, mini enseignement en mixte pour finir. avec Jiang Wei et Feng Wang, donc les deux paires chinoises numéro 1 et numéro 2 mondiale, qui rejouent ensemble. Là, pareil, Benoît, une demi-surprise parce qu'on savait que ça ne durerait pas. Et visiblement, ce que ces paires ont prouvé, c'est que bon, c'était mieux avant. Hein. Vraisemblablement, de toute façon, on verra, hein, mais pour moi, il n'y a aucun monde où ces deux paires ne sont pas médaillées d'or et d'argent. Donc c'est un mini enseignement, comme tu l'as dit. Oui, a priori, oui, puisque en plus, oui, les autres paires, c'est Go Lai, Guo Chen, Tang Tse qui rejoue ensemble aussi d'ailleurs. Ouais, je croyais qu'elle était à la retraite, moi j'ai rien compris. Ah bah moi aussi, et visiblement elle avait annoncé sa retraite, elle l'a annoncé, oui. Peut-être que ça lui manquait, je ne sais pas. Et là, Benoît, transition, dans ce tableau, qui on ne retrouvera pas? On ne retrouvera pas Cento, puisque Cento, c'est Terminado. Pour tout vous dire, quand on a commencé à réfléchir avec cet épisode avec Benoît, il y avait des rumeurs de séparation, donc j'ai regardé beaucoup d'articles sur les sites malaisiens. Notamment un qui disait il y a vraiment de l'eau dans le gaz, et un où To disait non, c'est que des rumeurs, on va continuer à jouer ensemble, tout va très bien. Et en fait, le temps qu'on enregistre cet épisode, la séparation est effective. Apparemment, selon les sites malaisiens, la paire aurait mal vécu le fait d'être plus sous le feu des projecteurs depuis les Jeux Olympiques. Et que il y avait vraiment des problèmes entre les deux joueurs. Moi, pour les avoir vus au bord terrain à Orléans quand ils perdent au premier tour, ça me surprend vraiment pas, parce que To, elle est meilleure, je trouve, que son partenaire, mais elle a tendance à le pourrir dès qu'il rate quelque chose. Ils ont perdu au premier tour à Orléans, perdu au premier tour à All England. Là, ils jouent même pas les championnats d'Asie, alors qu'a priori ils sont pas blessés, juste parce que voilà, ça va vraiment plus entre les deux. Du coup, Benoît, on le sentait un peu venir ces derniers temps, mais on va en parler après. Ils ont des nouveaux partenaires dès le Taipei Open dans deux semaines. En mai. C'est pas une bonne nouvelle, et c'est un peu triste pour eux, parce que en gros, dès qu'ils étaient à leur prime, ils ont pas supporté la pression, quoi. Ils ont pas supporté la pression, surtout que là, ils font quand même une très grosse saison l'année dernière, et j'ai lu beaucoup de trucs en mode en vrai, ils ont surperformé, mais on peut dire que leur niveau moyen était peut-être pas numéro 2 ou 3 mondiaux. Ils ont été numéro 2 ? Ouais. Ouais, c'est ça, numéro 2. On peut estimer que leur niveau moyen, il n'était pas là. Ça, je veux bien l'entendre. Mais qu'ils ont surperformé, moi, je suis pas vraiment d'accord, parce que ils vont jusqu'en finale des finals. Quelle finale, en plus ? Quelle finale ? Ils font franchement une très bonne saison. Je sais plus où ils gagnent. Ils gagnent en Corée aussi, post-JO. Au JO, il y a cette défaite contre Kim Jae-young, mais honnêtement, c'est pas non plus complètement raté. Ils font une vraie bonne saison l'année dernière, et moi je trouve franchement que on pouvait se dire, dans le mixte actuel, ils avaient leur place dans le top 5 mondial. Sauf que là, cette année, c'est plutôt cata. Il y a ce que tu dis, c'est comment t'as aussi géré d'être mis sous le feu des projecteurs. Séparation un peu intrigante, parce que Go Lai, ils leur sont repassés devant au ranking mondial, un peu dans l'anonymat le plus total. Et à côté de ça, visiblement, s'entendre bien en Malaisie, ça suffit pour continuer à jouer ensemble, parce que on pensait que t'étais intouchable. Ah oui, je sais de quoi tu vas parler là. Quand tu jouais en Malaisie, mais non, mais enfin, tu vois, ça. Pour moi, Cento, le niveau à ce niveau-là, ils allaient jouer encore 10 ans comme ça ensemble, en fait. S'il n'y a pas problèmes d'humeur entre les joueurs, et pas de séparation. C'est quoi. Ça. Mais apparemment, la demande vient des joueurs. Donc, c'est même pas une sanction C'est eux qui ont demandé à ne plus jouer ensemble, alors que tu l'as dit, ils sont montés jusqu'au numéro 2 mondiaux. Donc, à voir. Et Benoît, on se regardait juste avant de tourner l'épisode, mais pour la tournée asiatique de mai, ils vont jouer chacun avec To va jouer avec Lo Bing-kun, et Chen va jouer avec Chan Wei-tse. Le Wensei, un joueur et une joueuse inconnus au bataillon, très jeunes, qui n'ont pas prouvé vraiment sur le circuit pour l'instant. Donc le message, il est clair. Le message, il fallait les séparer quoi qu'il arrive. On va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, Benoît, on s'en doutait, parce que la Malaisie n'a pas la force de frappe de la Chine et ne peut pas se permettre de les mettre avec des joueurs déjà confirmés. Donc il va falloir, pour Chen et To, il va falloir repartir quasiment de zéro, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ils ont aussi ce handicap de d'avoir des paires ND. Golay, il joue plus, il s'entraîne plus là. Bon, il y a eu Tan Lai et Wu Cheng, mais de mémoire, Tan Lai c'est pareil. Wu Cheng, je sais pas. Mais voilà, en plus de pas avoir la force de frappe, les meilleurs joueurs, tu peux pas forcément les utiliser comme tu voudrais. Donc, ouais, tu repars de zéro. Je suis curieux de voir comment les deux vont réagir. Parce que deux joueurs avec qui tu repars de nulle part, est-ce que finalement ils vont pas retrouver une entente pour se remettre ensemble? Tu vois, on va voir. Bah, les Malaisiens, c'est un peu les spécialistes, hein, parce que Gotan, ils étaient limite à se taper dessus. Ils ont joué avec des autres partenaires avec qui ça marchait pas, ils se sont remis ensemble tout de suite. Hein. Donc, donc ça peut potentiellement, effectivement, ça peut les faire trouver un terrain d'entente de ne pas arriver à jouer avec, avec d'autres partenaires. Je suis d'accord. Benoît, il y a pas mal de changements de partenaires. Déjà, j'y pense là pendant que j'ai la liste du Taipei Open sous les yeux. On va revoir Melanie Daiva Octavianti qui jouait avec Pravin Jordan. Là, elle va jouer avec un mec qui s'appelle Bobby Setiabudi. Donc, on verra ce que ça donne, mais je voulais la mentionner. Et Yuta Watanabe, dont on parle quand même beaucoup en ce moment. C'était compliqué avec sa nouvelle partenaire Maya Taguchi au niveau du jeu, pas au niveau de l'entente entre les joueurs pour le coup. Et là, il va jouer avec Ina Osawa à Taipei, alors qu'il nous avait confirmé pourtant, à nous et à tout le monde, qu'il allait continuer avec Maya Taguchi et que c'était avec elle qu'il voulait viser la qualif pour les prochains Jeux Olympiques. C'est un peu flou pour l'instant ce qui se passe du côté de Yuta Watanabe. J'ai l'impression que je sais même pas si lui il croit vraiment et c'est ce qu'il veut faire. Dans un contexte en plus où les rapports avec sa fédé sont tendus. Rapport avec sa fédé tendu et surtout tu as mentionné un partenariat là à Taipei mais à Singapour, oui. Il va jouer avec Matsutomo. Oui, en plus, donc, je cherchais la compétition parce que j'étais plus sûr de quand ils allaient... C'est à Singapour. Ok. Mais ouais, je m'interroge parce que bon, clairement, on ne sait pas qui a pris cette décision-là. Peut-être qu'elle ne vient pas de lui. Maintenant, sa com sur son partenariat avec Maya Taguchi, c'était avant une tournée sur le circuit secondaire que je jugerais quand même de pas si ouf que ça. Est-ce que ça l'a un peu changé dans ses idées peut-être? En tout cas, à minima, la NBA, la National Badminton... Non, c'est pas ça, Nippon Badminton... ouais, c'est ça, Association. Association a changé de cap. Parce que je suis pas sûr que ce soit que Watanabe qui prenne les décisions. On voit bien qu'à la Fédé, les joueurs n'ont pas non plus le plein pouvoir. Et c'est très bien comme ça. Mais on voit qu'ils tentent des choses. Et j'ai aucun doute, en fait, sur le fait que, à minima, avec Matsutomo, bah, déjà, ils vont être capables de rivaliser avec des top pairs, même sans se connaître. Et je suis curieux de voir la suite, mais je sais pas ce que t'en penses, mais je suis pas persuadé que ce soit une bonne nouvelle pour Maya Taguchi, non, ce message. Effectivement, c'est peut-être une blessure de Maya Taguchi, mais je sais pas. Si c'est pas une blessure, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Donc on verra ce que ça donne, mais effectivement, c'est un peu flou ce qui se passe autour effectivement de Yuta Watanabe et de ses partenaires. À noter aussi que à Taipei, on aura une paire Taira Tanachai Emsard. Donc, Saspiri Taira Tanachai va jouer avec des sœurs Emsard en double dame à Taipei. Et surtout, les sœurs Emsard vont rejoindre ensemble la semaine d'après. Donc, à la rigueur, ça, c'est pas un changement qui va durer. Par contre, Benoît, Taira Tanachai et Jomko, qui seront tous les deux là à Taïwan, mais qui vont jouer avec des partenaires différents, un peu des inconnus en plus. Autant Benoît Poivaranoukro Paesampran, pour l'instant en Thaïlande, on doit être assez content de ce nouveau partenariat. Autant Jomko Taira Tanachai, qui n'a vraiment pas montré grand chose depuis qu'il existe, on va peut-être déjà tester autre chose. On teste déjà autre chose. C'est intéressant en tout cas, parce que ça pose aussi des questions sur Taira Tanachai. On était tous les deux les premiers à l'encenser. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu la séparation avec Poivaranoukro, un partenariat qui marche pas hyper bien avec Jomko. Aujourd'hui, on change encore. On teste en double dame. Est-ce que c'est elle, finalement, le problème, quand je dis le problème, c'est entre grands guillemets, mais ça pose pas mal de questions, je trouve. Parce que Jomko, oui, ok, c'est un joueur middle, mais ça aurait dû faire mieux que ça, je pense, avec Taher Atanasay. Oui. Ça n'a pas tant matché. C'est vrai. Taher Atanasay qui n'a pas l'air très facile à vivre aussi sur le terrain. On parlait de Tau, la Malaisienne, tout à l'heure. Apparemment, ouais, Taher Atanasay, ça va être un peu le même style, donc là on verra si ça match un peu. Tout ça pour vous dire qu'il y aura beaucoup de choses à regarder dans ce Taipei Open qui n'est pourtant qu'un 300 début mai, mais beaucoup de choses intéressantes et on en parlera dans le podcast. On passe à notre dernier sujet, la Sudirman Cup. Envoie les vrais sujets. I'm the bad guy. Take that! La Sudirman Cup, donc, qui aura lieu du 27 avril au 4 mai, ce sera en Chine. La Sudirman Cup, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est comme la Thomas Huber Cup, mais mélangé ensemble. Donc, en gros, c'est les championnats du monde par équipe mixte. Donc, c'est en 5 matchs. Il y a un simple dame, un double dame, un double mixte. Et à la fin, c'est la Chine qui gagne. En gros, c'est à peu près ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu... Alors déjà, il y a eu le tirage au sort. La France est dans le groupe C avec l'Australie, le Japon et la Malaisie. Et ce qui nous intéresse et ce qui a surpris un peu tout le monde, c'est la composition, en tout cas la sélection qu'on envoie. Puisque vous allez comprendre quand je vais le dire que le staff, en tout cas, a fait des choix. Donc on aura Arnaud Merclet et Nogarwa. Ça, c'est pour le simple homme. En simple dame, Léonie Sué, Anna Tatranova. En double homme, Katoen Renoir, Maël Katoen, Lucas Renoir. En double dame, Margot Lambert, Camille Poignante et Elsa Jacob. Et en double mixte, Grégoire Deschamps. Et donc avec Margot Lambert. Et il y a aussi Elsa Jacob qui peut jouer en mixte. Donc ça fait 10 joueurs et joueuses sélectionnés. Pas de Popov, pas d'Alex Lanier, pas de Tom Jiquel, pas de Delphine Delrue. Benoît, les choix sont clairs. Alors on en a déjà parlé sur le Discord et certains avaient des théories ou des explications intéressantes. C'est vrai que. Peut-être que oui. les joueurs, les numéro 1, apparemment, ont eu le choix et n'ont pas forcément eu envie d'aller le jouer. En plus, c'est juste avant le tournoi de Taipei auquel beaucoup ne vont pas participer. Donc, ça a du sens. Il y a aussi les finales de top 12 qui doivent être dans ce coin-là, me semble-t-il, de mémoire. Donc, ça peut se justifier. Ouais. Et Benoît, nous, à la fois... Enfin, moi, je vais donner mon avis, je ne vais pas parler pour toi. Moi, à la fois, je suis content de voir, par exemple, des Arnaud Merclet, Nogarwa, Natatranova, Katoen Renoir sur ce genre de compétition, se frotter au gratin mondial, parce que pour le coup, je peux vous dire que le Japon et la Malaisie, ils ont amené les meilleures équipes qu'ils pouvaient amener. Donc ça va être cool de les voir se frotter à plus fort, mais on peut regretter de ne pas voir notre meilleure équipe de France, voir jusqu'où ils auraient pu aller, s'ils auraient pu battre le Japon, notamment la Malaisie. Ça, c'est un petit regret. Et enfin, il y a eu beaucoup de débats sur le Discord, mais on sait pourquoi, mais ça ne nous empêche pas d'être deg, en tout cas pour moi. Oui, être deg évidemment. Enfin, je pense que tu peux pas, en tant que fan, tu peux pas dire je suis content qu'ils envoient une équipe B parce que on peut dire ce qu'on veut, mais on a envoyé une équipe B. On manque de respect à personne en disant ça, je pense. Non, on manque de respect à personne en disant ça, mais juste on parle d'un championnat du monde et pareil, hein, comme toi, j'ai lu énormément de voir tous les débats et d'ailleurs très. Très intéressant sur le Discord avec beaucoup d'arguments intéressants, c'était pas juste des avis, beaucoup d'arguments que je partage. J'en ai discuté d'ailleurs avec certains, notamment Hebdos, qui avait un argument que je trouvais intéressant et je voulais en reparler. C'était de dire il y a quand même derrière un bloc asiatique assez important pour nos meilleurs joueurs, plus pas forcément taper là tout de suite pour ceux qui iraient, alors que pour Arnaud Merclet. Et d'autres qui sont là, je crois qu'il y a Lambert Poignante aussi qui iront à Taipei, ça avait plus de sens. Et aussi de dire la France a peu de chances d'aller loin, donc c'est aussi logique de dire qu'on les envoie pas. J'étais en mode ouais ok, mais alors franchement on n'a pas moins de chances ou plus de chances que des pays comme Hong Kong ou Taipei qui viennent avec des équipes complètes. Moi, il y avait surtout ça qui m'énervait. Il y avait un autre truc, c'était de dire le sponsor, c'est Victor. Pour Victor, je parle de sponsor maillot France, équipementier. Le sponsor a un peu demandé à ce qu'on y aille. Du coup, on envoie une équipe B. Mais c'est quoi le respect du sponsor à envoyer une équipe B plutôt que pas d'équipe aussi, tu vois? Donc, il y avait des théories comme ça où j'étais là. Mais c'est quand même un peu contradictoire avec ce qu'on est en train de lire ou d'entendre. En vrai, moi aussi, ça me pose un autre problème. Et je suis curieux de t'entendre là-dessus. c'est ok. Moi, je suis ravi d'avoir Arnaud Merclé, Anata Tranova. C'est pas... enfin, en vrai, c'est même pas ça le sujet. C'est... on parle d'un championnat du monde et on n'envoie pas nos meilleurs joueurs. Quel est le message envoyé, moi, je trouve, pour le... juste pour le badminton, en fait, tu vois, enfin, et ça pose aussi d'autres problèmes. C'est... on... ça, je crois pas que ça ait été évoqué, mais la BWF, nous, on le répète régulièrement. Mais là, on est dans cette situation aussi par sa faute. Parce qu'il y a trop de tournois, on a cessé de le répéter, trop de dates dans l'année, et que du coup, il faut faire des choix. Maintenant, remettre la faute que sur la BWF, que sur la FFBAD, que sur les joueurs, c'est pas aussi évident que ça non plus. Non, c'est vrai. Moi, j'en veux pas aux joueurs. Si on leur a laissé le choix, s'ils veulent pas, oui. Ils veulent pas. Mais pareil. Est-ce qu'ils devraient pas être obligés d'y aller ? C'est une autre question. C'est une autre question. C'est qu'on peut regretter. Il y a ce truc aussi de, je sais pas si ça a été dit, mais la Sudirman Cup, c'est une compétition plus récente, notamment que la Thomas et le Beurre, et ça a jamais eu le, même si c'est des championnats du monde et que c'est mixte, ça a un peu moins de prestige que ce genre de les autres compétitions. N'empêche que les autres vont quand même envoyer, les autres pays vont quand même envoyer leurs forces vives. Et je me souviens par exemple, je crois que c'était quand la Corée avait battu la Chine au final de la Sudirman, c'était un truc de fou. Enfin, il y a quand même des belles histoires dans cette compète, quoi. Et notamment française, je crois que j'avais regardé, j'avais vérifié, on avait envoyé notre meilleure équipe l'année, enfin il y a 2 ans, puisque c'est tous les 2 ans, c'est que les années impaires la Sudirman. Enfin bref, je vais un peu me répéter, Benoît, on sait pourquoi, mais on est quand même un peu dégoûté de ne pas voir nos meilleurs joueurs se frotter au gratin mondial dans la Sudirman, parce que bon, ça c'est très personnel, mais ouais, c'est toujours assez sympa les compètes par équipe comme ça en plus. Même si voilà, toi Benoît, toi et moi on est fans de bad, on va quand même regarder ce que donnent les joueurs et joueuses de cette sélection face à des grosses équipes comme le Japon et dans une moindre mesure la Malaisie. Bien sûr qu'on regardera, c'est pas, encore une fois, c'est pas le sujet, c'est pas non plus le sujet de dire ceux qui y vont ne méritent pas, c'est juste, ça fait chier de pas envoyer ça, enfin, moi, ça me fait chier de pas envoyer ma meilleure équipe au championnat du monde par équipe mixte, et de la même manière, alors ça, encore une fois, c'est que des rumeurs, mais quand on est tous les deux passionnés de foot, c'est pas un secret, mais quand j'entends que des joueurs refusent d'aller en sélection, ou refuse une sélection, moi ça me, enfin je suis un peu outré par ça. Alors évidemment c'est d'autres contextes et tout, mais en fait pour moi il devrait même pas avoir le choix. C'est ok, tu veux pas venir jouer, très bien, tu joueras plus pour le maillot, tu vois. Alors le foot, le badminton, on porte pas le maillot national de la même manière et tout, j'en ai bien conscience aussi, mais j'aime pas non plus le fait qu'on laisse trop de pouvoir aux joueurs de dire si oui ou non ils ont envie de venir sur ce genre de compétition. Et comme tu l'as dit, pour moi sur des championnats du monde, évidemment que j'ai envie de voir notre meilleure équipe. Et un dernier argument, après je te laisse réagir sur tout ça parce que je pense que tu auras pas mal de trucs à dire aussi, mais c'est que je pense que l'Asie attribue beaucoup plus d'importance que nous à ces compétitions, et même des Taipei ou Hong Kong qui sont pas meilleurs ou qui ont pas plus de chances en tout cas d'aller au bout, c'est pas grave, ils vont peut-être mettre leurs joueurs physiquement en danger pour les aligner là, alors que nous, finalement, on ne voue pas une grande importance à ce genre de compétition. C'est clair, là, Benoît, je vois les équipes qui sont sorties. Autant, c'était quoi, les championnats d'Europe par équipe, les championnats d'Asie par équipe, autant là, c'était un peu, c'était la foire à la saucisse, tout le monde s'en fichait. Autant la Sudirman, tu vois, genre l'Inde a envoyé sa grosse équipe, le Japon a envoyé sa grosse équipe, la Malaisie aussi, la Chine le fera certainement, parce que la Chine prend aussi très au sérieux cette Sudirman Cup. Donc, ok, eux, ils ont moins de voyages à faire, c'est plus facile. Et tout ça, mais n'empêche que je suis d'accord, il y a une différence de reconnaissance de cette compétition entre, alors j'allais dire européen, mais même pas forcément, on verra, alors l'Allemagne ne n'y va pas, mais on verra ce que les équipes qu'envoient l'Angleterre et le Danemark, mais ouais, et il y a c'est la République tchèque qui remplace l'Allemagne, mais je suis un peu curieux de voir ça, et c'est un peu dommage, Benoît, parce que l'autre truc aussi, c'est qu'on a pas forcément dans tous les tableaux, mais on a quand même une des meilleures générations de notre histoire, c'est aussi pour ça. Et même d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires Beaucoup de d'étrangers aussi étaient un peu étonnés et déçus de ne pas avoir les meilleurs Français parce que bah, on commence à faire des résultats, les Français commencent à faire des résultats sur le circuit et forcément, c'est pas les seuls à avoir envie de voir les. On n'est pas les seuls à avoir envie de voir les meilleurs Français. Ouais, bah, c'est sûr, mais un année de championnat du monde à Paris, plus championnat d'Europe, plus derrière tournée européenne, parce que voilà, c'est aussi tournée asiatique, pardon. Je crois que ça vient quoi, trois semaines après la Swiss-German où on va commencer à revoir nos Français sur la tournée européenne, tournée asiatique, je vais y arriver. Ça pose aussi voilà, la question de les objectifs individuels passent avant ce genre de compétition. On peut en débattre, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe. En tout cas, force est de constater que à minima, chez les Popov et Alex Lagnier, voire Tom et Delphine, c'est clairement ça qui prime. Et visiblement, c'est un accord entre la Fédé aussi, parce que c'est pas que, encore une fois, ni que la Fédé, mais tout le monde est d'accord pour pas les aligner sur ce genre de compétition. Ouais, c'est vrai. Donc, bon voilà, pas grand-chose à rajouter à part qu'on suivra quand même et on débriefera quand même la compétition, évidemment, parce que Swiss-German, il se passe toujours des trucs. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou alors on peut conclure cet épisode ? Eh ben, je suis curieux quand même. Je sais pas si ça va permettre de relancer le débat sur la sélection de la Swiss-German, mais je suis curieux d'entendre vos avis et réactions sur le sujet parce que je pense qu'il y a un peu de tout et aussi de tous bords, des fans, des dirigeants et tout sur Discord. Donc, je pense que ce genre de sujet, c'est toujours passionnant d'avoir les retours de tout le monde. Effectivement, si vous n'êtes pas encore sur ce serveur Discord qui devient de plus en plus incontournable, hein, c'est pas pour, pour qu'on se vante, mais parce qu'on y fait très peu de choses sur ce Discord maintenant. Mais voilà, il y a plus de... On a dépassé les 400 personnes et tous les avis sont les bienvenus, que vous soyez experte ou experte ou pas. On accepte évidemment tout le monde, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi juste lire et ne pas intervenir, comme je le fais souvent, par exemple. Voilà, donc nous... merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Même quand il n'y a pas de tournoi, on arrive à s'amuser quand même. Hein. Ouais, toujours. Merci à toi, Ewan, évidemment, et merci à vous pour votre écoute. Merci à vous, effectivement, de nous avoir écoutés. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief des championnats d'Europe. On a très très hâte. Passez une bonne semaine en attendant. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片。